En France, chaque jour, environ 12 personnes meurent sur les routes dans un accident de voiture. 12 personnes par jour pendant 365 jours. Chaque année, environ 1 200 jeunes meurent sur les routes dans une tranche d'âge comprise entre 15 et 24 ans. Soit à peu près 3 par jour. Un quart du nombre de tués journaliers. Pour les jeunes, la route est la première cause de mortalité, suivie de très près par les suicides. Réponse A et C.